Et maintenant, en termes démonstratif, je vais vous faire écouter donc un extrait d'une résidence workshop que nous avons effectué avec Salomé Guy-Mainpeuf et Flora Bastier, toutes deux artistes, sonores, plasticiennes, céramistes, etc., designers, et avec qui on a fabriqué des sifflets en terre cuite, avec la terre locale, un four fait sur place et des cupules. Les sifflets, ah, donc le projet il s'appelle toujours pour l'instant Chorus de la Défiance, parce que le sifflet c'est un outil de réappropriation ou de l'espace en fait, donc il peut être utilisé sous plein de formes différentes, qui est à la base utilisé dans des formes de manifestation, de contestation ou de célébration, et ici c'est vraiment questionner les outils sonores comme des outils de pouvoir en fait, et qu'est-ce qu'on fait avec avec ça. Donc on voulait faire donc des sifflets pour se rassembler, pour ensemble manifester un certain engagement. Pourquoi pas, et puis vraiment prendre l'espace, et puis arrêter juste de parler, juste utiliser ce rapport de force pour s'imposer. Et voilà. Et donc à partir de là, on voulait aussi avoir une production qui soit possible par un maximum de personnes, donc avec le moins de moyens possible. Donc la terre qui a été utilisée pour faire ces sifflets, c'est de l'argile qui vient des environs, donc que ce soit à Limoges ou ici à Bellegarde. Là, c'est la première partie de la production qu'on a faite, les recherches de formes, recherches aussi de design objet, simplement pour essayer de faire un sifflet qui fonctionne, ce qui n'est pas une chose facile. Et donc ça nécessite de faire un objet en céramique, en terre, le cuire dans un feu et faire du bruit avec. Donc voilà, c'est des étapes qui sont accessibles plus ou moins à tout le monde. Et donc avec ça, dans le futur, ça va être accompagné d'un petit manifeste avec aussi un manuel de confection et du sifflet, quoi. Donc avec les différentes étapes de confection et puis la façon d'utiliser certains sifflets, comme par exemple les cupules. On se demande ce que c'est en fait, mais ça peut faire beaucoup de bruit. Et donc voilà, le but c'est de faire un chorus ensemble avec ces outils sonores. Et voilà, c'est ce que tu veux ajouter quelque chose? Bah non, je trouve que c'était hyper complet ce que tu viens de dire. Bon, après vous avez aussi construit un four. Alors ici. Là, oui, on a testé la confection d'un four. Le four 40 briques. Le four 40 briques avec des briques réfractaires. Et donc il faut des briques réfractaires et du bois. Et du feu, du coup, enfin, pour de quoi allumer le bois, quoi, enfin, mettre le feu au bois. Et puis, oui, voilà, là, on s'est lancé sur une construction de seulement 40 briques suffisent à concevoir ce four, mais on peut partir aussi donc sur des choses très basiques comme un bidon, un brasero, faire cuire des choses, ou alors des cuissons en fosse, enfin, tout ce qu'on appelle cuisson primitive. On peut encore faire des choses encore plus simples. Voilà, ici, on a voulu un peu faire une construction. Tenter quelque chose d'un peu plus propre, on va dire, qui nous changeait justement de la première étape où on a cuit sauvagement dans la cheminée. Mais voilà. Et donc plusieurs sifflets, plusieurs tailles de sifflets, plusieurs fréquences, donc choisissez votre arme. Alors, tu veux expliquer comment on utilise cela? Ouais, ouais, ces petites formes, donc elles nécessitent un petit apprentissage et peut-être un peu d'entraînement. Donc du coup, là-dessus, je suis partie de quand j'étais petite, je savais pas du tout siffler. Et mon père, il m'a appris à siffler avec les cupules, c'est des glands de chêne. Et les petits chapeaux, là, les petits capuchons. Et donc en fait j'ai fait ça, j'ai fait un peu la même forme, ça ressemble à des mini pots, c'est tout kawaii. des mini pots en poterie et qui reprennent cette même forme. Et donc pour l'utiliser, on va le placer comme ça entre l'index et le majeur. On va replier ses doigts en point. Le but, c'est de laisser une petite fente un peu, qui forme un peu un V. Et puis après, il faut tester. Souffler en mettant ses lèvres ici. Bon, voilà, c'est aussi un bon moyen de. Je pense que c'est un bon moyen aussi d'appréhender le souffle, le sifflement, quoi. De comment ça fonctionne avec une forme basique comme ça. Ça ne sort pas, nous. Les autres, c'est des fréquences différentes en fonction de la caisse. Donc il y a un compartiment, et puis il est plus ou moins gros, et c'est une fréquence différente en fonction de sa taille, quoi. Oui. All together. Let's do one... Yeah, choose yours and... No, we're going something much easier. là, il y a tout le monde qui va te prendre en poche. Choose your weapon, guys. Attends, il faut que je sois calé. Je suis pas calé. Ah, tu vois, j'y arrive plus. Et voilà, c'était un petit workshop de un petit workshop de siffler. C'était à Chantemerle. Et puis voilà. Et puis oui, ça s'appelle Chantemerle, l'endroit où on a fait ça. Et du coup, nous, on était là autour de la table de la radio, en train d'essayer de faire des bruits de chouette. Voilà. Et si, comme nous, vous n'y arrivez pas à la maison, ne désespérez pas. Il y aura bientôt une solution technologique. Sous forme de petits sifflets en céramique. Exactement. Et du coup, juste pour vous dire que ces sifflets en céramique ont été réalisés donc sous forme de micro-éditions qui sont disponibles à la librairie du festival. Voilà, c'est stylé, Chorus de la Défiance. N'hésitez pas à aller craquer des pèses pour cette édition.